On va parler du UFC 222 qui est présenté ce soir. On en parle avec Claude Perron. C'est présenté à Las Vegas en passant. Quand c'est présenté à Las Vegas, généralement, c'est parce que c'est une bonne carte. Salut, Claude. Salut, Danny. Claude, j'ai raison hein, quand je dis que quand c'est à Las Vegas, normalement, c'est toujours des bonnes cartes. Là. Ben, c'est une carte, en tout cas, il y a souvent des gens plus connus dessus. Là, comme si tu regardes un peu, il y a beaucoup d'Américains là, sur la carte. Quand ils vont dans d'autres pays, des fois, ils essaient d'avoir des gars plus locaux, entre guillemets, un peu plus. Des fois, on les connaît moins. Mais aux États-Unis, c'est sûr que c'est tout à fait du monde plus connu. OK. Et moi, le gars que je connais, ben, il y a la fille, que, Chris Cyborg, puis il y a Frankie Edgar, les deux que je connais le plus, là. Ouais, c'est les deux main events, si on veut. On a quand même une très, très bonne carte, là. Écoute, Christiane Justineau, là, dit Cyborg, tout le monde la connaît. On sait que c'est la femme la plus épeurante sur Terre présentement, ou à peu près. Elle gagne toutes ses victoires de façon très décisive, très dominante. Je pense que ce soir, elle va avoir quand même un pas pire adversaire, meilleur que sa dernière fois, en Yana Kotsikova. Par contre, la Russe n'a pas du tout peur d'elle. Elle dit qu'elle frappe encore plus fort que Cyborg. Okay. Elle disait cette semaine que Cyborg ne tenait pas si fort que ça. Ça m'a fait rire un peu, mais en tout cas, elle doit se motiver comme elle peut, là. Mais elle a quand même une bonne fiche, 10 victoires, 3 défaites. C'est une très bonne, un très bon cogneur technique. Alors, ça va nous donner un beau combat parce qu'on sait que Justineau là, est très, très, très agressif. C'est-tu la meilleure depuis Ronda Rousey? J'ai les filles. Ah, ouais. Oui, définitivement. Même dans le temps de Ronda Rousey, il y avait des spéculations pour que les deux se battent ensemble. Justineau voulait le combat, mais Rousey n'a jamais vraiment voulu. Elle ne voulait même pas monter de poids pour aller l'affronter. Mais je pense que Rousey n'aurait eu pour son argent pas mal là, parce que Justineau, là, c'est un gars là, elle est vraiment forte physiquement, puis elle a un bon debout, elle a un bon sol. Elle était plus complète que Ronda Rousey, ça c'est sûr. OK. Et Frankie Edgar également, que j'ai vu dans les combattants. Lui, on le connaît tout, évidemment. Là. Lui, il va se battre également lors de ce combat-là. Oui, Frankie Edgar qui va encore une fois sûrement nous donner un bon spectacle. Écoute, c'est un gars qui a jamais de mauvaise performance, vraiment. Il a encore gagné là, dernièrement ses deux, trois derniers combats. Il a eu une petite défaite contre José Aldo, encore une fois. Bon, c'est pas une honte de perdre contre José Aldo. Mais non. Ça, c'est ça. C'est sa dernière défaite en 2016. Sinon, il a battu tout le monde. Il a battu tout le monde sauf José Aldo, ce gars-là. Okay. Fait que, ça peut te donner une idée de comment est-ce qu'il est bon, là. Ouais. Ensuite de ça, son adversaire est pas mauvais non plus. Écoute, Brian Ortega, ça fait longtemps qu'on le voit aller. Par contre, ça va être un petit peu... Ça va être son premier vraiment gros test. Ce gars, il est 13-0. Écoute, c'est pas rien, 13-0 quand même. Il a affronté des bons gars. Mais pas du niveau hein, de ça va être vraiment son plus gros test. Puis si jamais il bat Frankie Edgar, ce qui me surprendrait, mais si jamais il bat, écoute, ce gars-là pourrait être probablement un futur champion. Là. OK. Puis j'imagine qu'il est très jeune là, pour que tu parles de ça. Ouais, c'est un Américain aussi, donc c'est Américain contre Américain ce soir. OK. Fait que ça va être un bon combat. OK. Y en a-tu d'autres dans les combats? Oui, sur la carte principale, il y a un combat de lourd qui est intéressant, que les gens connaissent. Il y a André Arlovski qui va se battre contre Stefan Struve. Stefan Struve, son surnom, c'est le Skyscraper, c'est-à-dire c'est le gratte-ciel. C'est un gars qui fait 7 et 3. Aïe, aïe. Alors oui, il est très, très, très, très long. Stéphane Dutrouve a eu des problèmes cardiaques il y a 2-3 ans, donc ça l'avait mis sur la touche un peu. Là, ça semblerait-il que c'est réglé. Il donne tout le temps des très bons combats. C'est un combattant debout. Puis ça va être bon parce que c'est des gros bonhommes. Puis là, c'est deux gros bonhommes et grands bonhommes. Arlovski, il est pas petit non plus. Là, c'est un 6 pieds 4-5 aussi. Okay. Alors ça va être un bon petit combat, ça c'est sûr à certains. Puis c'est des lourds. Fait que les poids lourds, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Ça peut se finir là. D'une taloche, comme on dit. D'un élan, comme on pourrait dire. Hey, ouais. Claude, je veux te parler du combat de Donald Cowboy Cerrone qui a eu lors du UFC Fight Night. On parle de 2 semaines. Combat que j'ai écouté, d'ailleurs. Cerrone, qui est un des combattants les plus populaires, c'est pas le meilleur, mais c'est un des combattants les plus populaires. C'était une victoire vraiment très, très, comment dire, importante pour lui, parce que tu sais comment que... Je pense qu'il y avait 2 défaites consécutives. Aurais-tu été sorti du fight du UFC s'il aurait perdu? Non. Non? Non, parce que Cowboy Cerrone, c'est un des préférés à Dana White, il l'a tout le temps dit. Cerrone, là, il faut l'arrêter de se battre. Parce que Seth Rodney, il se battrait 15 fois par année, lui, ce serait juste de lui. Même que la dernière fois, ils l'ont mis sur la touche volontairement. Ils ont dit, là, tu prends un break, parce qu'il avait subi quand même il avait subi un knock-out. Il a subi trois knock-outs de fil, presque trois défaites de fil à ses trois derniers combats avant d'emporter son autre, là. Ouais. Fait que là, il avait dit, bon, repose-toi un petit peu, parce qu'il se bat. Il se bat énormément. Puis il aime ça en plus. Puis il a tout le temps d'excellent show. Fait qu'il va pas perdre 50 d'affilée. Tant qu'il va avoir toute sa tête, puis ça va bien aller physiquement, c'est sûr qu'il va avoir sa place dans l'UFC parce qu'il donne tout le temps d'excellents combats. Puis en plus, des fois, il prend des combats. Il a dépanné Dana White souvent, elle en prenait des combats une semaine de préavis, puis des trucs comme ça. Fait que tout ça, c'est un combattant spectaculaire. Fait que je pense pas qu'il s'en aille là, ben loin. OK. Ronda Rousey qui est à la WWE, c'est pour elle, là, c'est à quelque part, elle a pris sa retraite du MMA. Elle va faire encore de l'argent, puis c'est pas. Je dirais pas moins exigeant parce qu'il faut être en forme pour être à la lutte, là, mais c'est moins de pression, on pourrait dire. Ben oui, c'est moins de pression, puis c'est dur sur le body, comme j'ai tout le temps dit. Les gars, ils jouent dur. Ça joue dur, mais elle fera pas le circuit, là, à faire 70 shows par année, là. Ouais. Mais par contre, c'est bon pour le porte-monnaie, oui, mais je pense qu'elle le fait par intérêt aussi, parce que de l'argent, elle n'a plus besoin. Là. Elle a fait quand même quelques millions avec la UFC. Elle doit valoir autour de 15-20 millions, cette femme-là. Là. Fait que je pense pas que les fins du mois, ils fassent bien peur. Là. Mais ça reste une compétitrice. Elle fait des sports d'élite depuis qu'elle est toute jeune. Fait que je pense pas qu'elle revienne au UFC, à moins que la WWE lui donne le goût d'en venir. Là, moi, j'aimerais ça qu'elle revienne normal. Je pense qu'elle n'a pas fini de faire, puis elle peut s'améliorer encore, puis elle a donné un bon show. Ouais. Fait que j'aimerais ça qu'elle revienne, mais l'avenir nous le dira. Ouais. Hey, je veux te parler, je suis en train d'oublier ça. C'est une nouvelle importante qui est survenue cette semaine. John Jones qui perd sa licence de combattant. Ouais. C'est pas surprenant. Ça fait, je pense que c'est la deuxième fois que John Jones subit des tests, échoue des tests antidopage. Est-ce que c'est la fin pour John Jones? Je crois pas, il est jeune, il a tellement de talent, c'est de valeur. Ouais, hein? Il va être suspendu, il a eu 200 000 piastres d'amende. Par contre, il les a convaincus qu'ils les avaient pris sans le savoir, là, dans des aliments ou je sais pas, je me rappelle plus trop quoi exactement. Bon, là-dessus, j'ai des doutes un peu parce que c'est vraiment la défaite à la mode, là. Ils ont pris des suppléments, ils ont pris telle affaire, bon. Mais, je sais pas, je pense pas, il est jeune. On va le revoir, je sais pas, on va voir cette semaine comment est-ce qu'il va être suspendu de temps, là. Mais bon. Il est déjà à bout de fête, on verra. OK. Claude, on se reparle pour le 223. On va prendre un break parce que je pense que c'est au mois d'avril. Il y a un petit break là, entre les deux. Oui, il y a une petite pause entre les deux. Ouais, fait qu'on va se parler dans le cadre du UFC 223. Claude Perron, notre spécialiste d'arts martiaux mix.